57, le vieux continent traite à Rome pour ses emplettes. Il veut comme le nouveau monde entrer dans cette course immonde. L'union construit sa force et renforce ses écorces à grands coups. Logique libérale en vue d'augmenter le capital et faire reculer les frontières. Les toutes proches sorcières, le livre blanc efficacier est toujours bien présent dans la farce. De nos jours adhère sans détour au propos d'une commission qui porte bien haut le pagnon de la nouvelle économie ayant pour seul but le profit. Et où tout est manigancé à l'ombre de sombres traités arrive l'heure où l'on privatise à tort et à travers. La constitution de Valérie est en train de sceller leurs amis. Manquer d'éducation, travailler des heures gratis pour rester en vie sans laisser pour la dette du tiers monde. J'ai envie de gerber, vous me rappeler un certain état fédéré. Descendre sur les chemins et changer.